2, 3. Il était dans une ville, un échaud, où il y avait un prénom qui s'appelait l'hôtel Loco. C'était